Moi ce que je voulais c'était une vie pas contrôlée, non pas surveillée, non pas constamment épiée au milieu du bois, parfois les prés, oh, une vie simplifiée. Boom.